Chapitre 11e. Il était environ 11 heures du soir quand Madame de Lorris rentra dans le cottage ombragé qu'elle habitait avec son frère sur les quais de Trouville. Presque aussitôt, à sa grande surprise, on lui annonça que M. de Rieux était à sa porte et demandait à lui parler. Elle consulta son frère du regard. « Mais certainement, lui dit-il, reçois-le, et il sortira. » M. de Rieux se présenta d'un air fort gai, ou qui du moins voulait le paraître. « Je suis de la dernière inconvenance, s'écria-t-il, et je vous prie de m'excuser, mais j'ai su que ma femme était partie avec vous ce matin, et j'ai pris la liberté de venir m'informer si j'aurais le plaisir de la revoir. » « Très probablement, dit en riant Madame de Lorris, mais asseyez-vous donc. » « Non, non, je ne m'assois pas. Ayez simplement la bonté de me dire où est ma femme et je me sauve. » Elle est à Villers, chez les deux Chelles, qui vous la ramèneront eux-mêmes dans un moment. Et pourquoi n'est-elle pas revenue avec vous? J'étais un peu fatigué, et je n'ai pas voulu l'enlever si tôt à nos amis, mais depuis quand êtes-vous ici? Je suis ici depuis 5 heures. Je suis venu par le train des Maris, naturellement. On m'a dit à mon arrivée que ma belle-mère était à Paris avec mes enfants, et qu'on ne savait pas où était ma femme. Là-dessus, j'ai fait, comme vous pensez, un dîner des plus agréables. Et puis me voilà. J'espère que je suis assez ridicule. Bonne nuit, chère madame. Bonne nuit. Si elle tardait un peu à rentrer, ne vous inquiétez pas. Non, non, bonsoir. Il s'en allait, quand la jeune femme le rappela doucement en lui touchant le bras du bout de sa cravache. « Monsieur de Rieux, madame, vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que vous êtes souffrant ?»« Je ne suis nullement souffrant, je vous remercie. » Vous ne me gronderez pas trop, Marie, quand elle rentrera. Il la regarda comme étonné, sans répondre. Vous vous rappellerez qu'elle est un peu abandonnée. Il la regarda encore fixement, puis après un silence. Vous me condamnez donc, vous aussi ? Dit-il. J'aime beaucoup Marie. Je l'ai aussi beaucoup aimée, dit Lionel d'une voix sourde. Et maintenant ? Demanda Madame de Lorris. Maintenant, madame, c'est très différent. Et puis, avec un éclat soudain, « Elle est abandonnée, dites-vous, en effet. Mais quel homme de sens et d'honneur pourrait s'associer à une vie comme la sienne ? Pardon, dit-elle avec la même douceur. Mais la vôtre vaut-elle mieux ? La mienne est, grand Dieu, n'est-elle pas elle qui m'y a acheté ? Ne peut-elle en dire autant de son côté ? Oh, sans doute, reprit amèrement Lionel. Et c'est à elle que vous donnez raison ? S'il y a pourtant une personne au monde qui dût être juste avec moi, c'est vous, car je suis malheureux, et je le suis au plus haut degré. Et véritablement, vous en êtes un peu la cause. Moi ? Vous-même. Je vous supplie de ne pas voir dans mes paroles une intention de galanterie qui serait par trop déplacée en ce moment. Mais daignez vous rappeler cette soirée qui décida de mon sort. Cette soirée où ma pauvre marraine combattait mes objections trop fondées contre le mariage. Ce ne fut pas son éloquence qui en triompha, je vous le jure. Ce fut vous seul. Ce fut votre présence, votre exemple. Je vous regardais et je me disais, « Eh bien oui, il y a des femmes comme cela après tout. Le bonheur est possible. » « Mon Dieu !»« Monsieur de Rieux, dit Madame de Lorris, « épargnez-moi, je vous en prie. Et permettez-moi de vous dire que je connais votre femme depuis longtemps, qu'elle m'est très supérieure à tous égards, et qu'elle était pour le moins aussi digne que moi de faire le bonheur d'un honnête homme. « Soit, dit froidement Lionel, c'est donc moi qui l'ai perdu. Adieu, madame. » Monsieur de Rieux traversa le pont qui relie les deux territoires rivaux de Trouville et de Deauville, et reprit, en côtoyant la mer, le chemin de la villa des Rosiers. Il y arriva un peu après minuit. Madame de Rieux n'était pas rentrée. Il monta chez lui et essaya de lire. Puis il y renonça et commença à travers sa chambre une promenade agitée qui malheureusement devait être longue. À mesure que le temps s'écoulait dans cette vaine attente, tous ses griefs, tous ses ressentiments contre sa femme, exaspérés par les pénibles incidents de cette soirée, lui montaient au cerveau avec des flots de colère. Car il faut le dire à sa louange, Lionel de Rieux n'avait point, comme tant d'autres, pris son parti du désordre de son ménage. Il était de ceux pour qui le mariage, quand il a cessé d'être un charme, reste un supplice. La femme sur laquelle il avait fait reposer ses espérances de bonheur, et qui portait son nom, pouvait lui être odieuse, jamais indifférente. Elle lui était odieuse. Il ne lui pardonnait pas d'avoir détruit l'idéal, un peu vague peut-être, mais après tout honnête et sincère qu'il s'était formé du mariage. Il se disait, non sans quelque apparence de raison, qu'il avait été pour elle un mari comme on en voit fort peu dans le monde, tendre, généreux, délicat, et même fidèle jusqu'au jour où elle avait brisé de sa propre main le lien conjugal. Depuis ce temps, elle était heureuse. Son étourderie, sa frivolité, sa vanité, se donnaient pleine carrière et lui suffisaient. Quant à lui, sa vie était manquée. Il ne trouvait plus dans les distractions et dans les étourdissements de la jeunesse que le vide, l'ennui et le dégoût. Il était le plus misérable des êtres, découragé et désenchanté de tout, de son foyer et de son travail, sans but, sans avenir, sans dignité et peut-être bientôt, grâce à elle, sans honneur. Et c'était elle que l'on plaignait, c'était lui qu'on accusait. La pensée que l'honnête et gracieuse Madame de Lorris était une de ses accusatrices ne contribuait pas à calmer son irritation. Les premières lueurs de l'aube le surprirent dans ses amères réflexions. On était alors à la fin du mois d'août. Il était donc près de 5 heures du matin, et Madame de Rias ne rentrait pas. Passée toute une nuit hors du logis, sans sa mère et sans son mari, en compagnie de jeunes viveurs et sous l'égide unique de Madame de Chelles, c'était assurément une escapade un peu forte. Lionel sentit toute patience lui échapper. Il descendit aux écuries, se fit seller un cheval et prit le chemin de Villers. La route de Deauville à Villers, ainsi que le savent la plupart de nos lecteurs, après avoir tracé quelque temps sa ligne droite entre les prairies et les dunes, ne tarde pas à escalader le flanc d'une falaise qui domine l'océan. La pente est assez longue et assez raide. Monsieur de Rias gravissait cette rampe au pas de son cheval, quand un bruit de voix et de rire s'éleva à quelque distance et vint frapper ses oreilles dans le silence du matin. Au bout d'un instant, ce bruit cessa, et d'autres sons lui succédèrent. Le sol retentit sourdement, comme si une bande de chevaux échappés eût monté au galop le versant opposé de la falaise. Tout à coup, le sommet de la côte s'anima, et Lionel vit se dessiner sur l'azur encore pâle du ciel des silhouettes de cavaliers et d'élégantes formes d'Amazones. Il comprit aussitôt que sa femme devait être un des ornements de cette société. La cavalcade, arrivée sur le plateau, s'était mise au pas et descendait lentement la côte. Les voix joyeuses, les cris et les rires se firent entendre de nouveau avec un redoublement d'éclat. Puis brusquement, tout s'éteignit dans un vague murmure qui s'éteignit bientôt lui-même dans un silence morne. On avait, suivant toute vraisemblance, aperçu à travers la brume le cavalier solitaire qui se détachait en vedette sur la blancheur de la route. On l'avait même probablement reconnu. Monsieur de Rias continua de s'avancer d'une allure tranquille jusqu'à ce qu'il se trouvât à quelques pas du brillant escadron. Puis il s'arrêta, et sans laisser voir d'autres signes d'émotion qu'une extrême pâleur, il salua. « Je vous demande pardon, » dit-il en s'adressant à sa femme d'une voix calme et basse, « mais j'étais un peu inquiet, et je suis venu au-devant de vous. »« Vous voyez, » dit Madame de Chelles, « qu'elle était en bonne compagnie. »« Excellente, » dit Lionel, « je vous suis reconnaissant. Venez-vous, ma chère. » Il salua de nouveau, tourna bride aussitôt et reprit aux côtés de sa femme la direction de Deauville, tandis que Madame de Chelles et son cortège retournaient à Villers. Après un moment de pénible silence entre les deux époux, « Quand donc êtes-vous arrivé ?» demanda Madame de Rias. « Hier soir. Ah !» Il y eut une longue pause, puis elle reprit. « Vous avez vu ma mère à Paris ?»« Non. » « Elle revient dans 2 jours. Vous savez qu'elle a emmené les enfants. Je sais. » Ils étaient alors au bas de la côte, et un temps de galop mit fin à cette conversation languissante. Quelques minutes plus tard, ils entraient dans la cour de la villa. Ils montèrent sans échanger une parole l'escalier qui conduisait à leurs appartements respectifs. Au moment où Madame de Rias venait d'ouvrir la porte de sa chambre et s'apprêtait à la refermer, « Pardon, » dit Lionel, et il la suivit chez elle. À peine la porte fermée, et comme la jeune femme hésitante et inquiète se tenait debout devant lui, sa longue jupe d'Amazone retroussée sur son bras. « Ah, ça !» lui dit-il en fixant sur elle un regard chargé de colère. « Vous menez donc la vie d'une fille, décidément ?» Madame de Rias devint blanche comme une cire. Elle parut chanceler, laissa échapper sa traîne, qui glissa sur le parquet, et s'appuya sur le premier meuble que sa main rencontra. Puis se remettant aussitôt et bravant le regard de son mari, « Je croyais, dit-elle, que le moyen de vous plaire était de ressembler à ces femmes-là. « Vous voyez bien que non, » répliqua durement Lionel. « Ah !» poursuivit-il avec un emportement croissant. « Vous vous plaignez d'être abandonnée, de n'être pour vos maris que des maîtresses d'un jour. Eh bien, c'est la vérité, vous n'êtes pas autre chose. Et savez-vous pourquoi ? C'est justement parce que vous ressemblez à ces femmes-là. Parce que nous cherchons dans nos femmes le contraire de ces femmes-là. Parce que ce qui nous plaît chez elles nous fait horreur chez vous. Parce que nous vous demandons d'en différer, et non de leur ressembler. De nous les faire oublier, et non de nous en faire souvenir. Enfin, c'est parce que vous ne leur ressemblez même pas. Vous n'en êtes que de pâles et maladroites copies. Vous imitez leurs toilettes, leurs allures, leur ton, leur langage. Vous avez leur puérilité, leur dissipation folle, leur ignorance. Vous avez comme elles le mépris du devoir et la crainte des enfants. Mais croyez-moi, ce n'est pas assez. Vous êtes toujours vaincu dans cette misérable lutte. Vous y perdez votre charme, et vous n'atteignez jamais aux leurs. Vous n'êtes plus des honnêtes femmes, et vous n'êtes même pas des courtisanes. Vous êtes des épouses sans vertu et des maîtresses sans vice. Vous n'êtes rien. » À cette implacable tirade, Madame de Rias, soit qu'elle en admit les cruelles vérités, soit qu'elle en dédaigna les cruelles injustices, ne répondit pas. Elle repoussa sa robe d'un coup de talon, et s'avançant vers un cordon de sonnette, « Permettez-moi, dit-elle, d'appeler ma femme de chambre, je suis un peu lasse. » Lionel sortit aussitôt, emportant contre sa femme un nouveau grief, celui de l'avoir provoqué à des violences de langage très contraires à ses habitudes de dignité et de bon goût. Deux ou trois heures plus tard, une voiture l'attendait dans la cour pour le mener à la gare. Il rencontra dans le vestibule la femme de chambre de Madame de Rias. « Madame dort encore, sans doute ?» lui dit-il. « Oui, monsieur, Madame dort, » dit cette fille d'un ton bref. « Je ne veux pas la réveiller, » reprit-il. « Je l'ai prévenu au reste que j'étais forcé de repartir pour Paris aujourd'hui. » Et il partit. Dans l'après-midi de ce jour, Madame de Lauris arriva chez sa cousine pour s'informer des événements. Frappée de l'altération des traits de Madame de Rias et de son agitation fiévreuse, elle la pressa de questions et en obtint le récit détaillé de la scène conjugale qu'elle avait subie dans la matinée. La voyant dans un état si violent, elle ajourna les reproches que l'étourderie de sa conduite lui semblait mériter et se borna à lui prodiguer d'affectueuses caresses. Elle fut étonnée d'éprouver une sorte de résistance. « Ne m'embrasse pas trop, Louisette, » lui dit Madame de Rias en souriant avec amertume. « Tu t'en repentiras peut-être tout à l'heure. Pourquoi donc ? Je vais te le dire. » Elle se leva d'un mouvement brusque, alla prendre une lettre dans son buvard, et la jetant tout ouverte sur les genoux de sa cousine. « Tiens, lis cela. » Madame de Lauris parcourut la lettre à la hâte. Elle était du vicomte de Pontis. Elle contenait les expressions de la passion la plus brûlante et la plus pressante, et sollicitait pour la nuit suivante un tête-à-tête pour lequel l'absence de Madame Fitzgerald offrait une occasion qu'on ne retrouverait pas. Monsieur de Pontis suppliait Madame de Rias de ne pas le réduire au désespoir en lui refusant quelques minutes d'entretien dans le jardin de sa villa. Il se présenterait à la grille entre 11 heures et minuit, et il y attendrait la vie ou la mort. « Comment t'exposes-tu à recevoir une lettre comme celle-ci ? » dit sévèrement Madame de Lauris. « J'espère au moins que tu y as répondu comme tu devais. »« Tu as raison, » reprit Madame de Rias avec son étrange sourire. Hier, j'ai répondu à cette lettre comme je devais, parce que hier, j'étais une honnête femme. Mais aujourd'hui, je suis une fille, et je vais y répondre en cette qualité. » Elle saisit un crayon et traça rapidement au-dessous de la signature du vicomte ce seul mot « Oui ». Puis elle fit passer la lettre sous les yeux de Madame de Lauris, écrivit l'adresse et sonna. Madame de Lauris s'est levée et la regardait d'un air de stupeur. « Marie, » s'écria-t-elle, « je t'en prie. » Un domestique entra. « Jean, » dit Madame de Rias. Vous allez de suite monter à cheval et porter cette lettre à Oulgat, à son adresse. » Puis, venant vivement à Madame de Loris, dès que le domestique se fut retiré, « Toi, reprit-elle, ne perds pas tes paroles, ne me dis rien, pas un mot. Laisse-moi, va-t'en chez toi, va me pleurer. » « Tu me chasses, Marie ?»« Oui, je te chasse, va. » « Ma pauvre enfant, » dit Madame de Loris, en attachant sur elle un regard d'une douceur et d'une pitié profonde, « je t'aimerai toujours, tu sais. Calme-toi. Tu es trop exalté en ce moment pour m'écouter. Soit. Je reviendrai. » Elle lui baisa les mains et la quitta. Elle revint en effet vers 6 heures, après avoir fait quelques visites. On lui dit que Madame de Rias était sortie et qu'elle ne dînerait pas chez elle. Sur la mine embarrassée du domestique, elle comprit que sa cousine avait donné l'ordre de ne pas la recevoir. Comme elle rentrait au cottage, le cœur navré, on lui remit un billet de Madame de Rias qu'elle ouvrit avec anxiété. Elle y lut simplement ces 2 lignes. « Ne dis rien à ton frère. » La pensée que ce billet suggéra aussitôt à Madame de Loris, ce fut précisément de tout dire à son frère. Elle avait besoin de conseils. Sa belle-mère, Madame de La Veille, était retournée à Paris depuis plusieurs jours, et les circonstances étaient trop urgentes pour qu'elle pût s'adresser à elle. D'autre part, la préoccupation singulière qui avait dicté le billet de Madame de Rias témoignait que M. de Quéverne avait conquis sur elle un certain empire, dont il ne serait peut-être pas impossible de tirer parti. Elle courut donc à la chambre de son frère, se posa à genoux devant lui avec sa grâce d'enfant, et lui conta d'une voix basse et animée les tristes incidents de sa visite à sa cousine de Rias. Elle termina son récit en lui montrant le billet qu'elle venait d'en recevoir, puis avec toute l'éloquence de ses grands yeux éplorés, elle le supplia de lui prêter son aide pour sauver de la honte la plus chère amie de sa jeunesse. Monsieur de Quéverne l'avait écouté sans laisser voir sur son sérieux visage la moindre impression. Quand elle eut fini, « Ma chère petite, lui dit-il avec bonté, je comprends ton chagrin, j'en suis malheureux, mais que veux-tu que je fasse? Je suis presque un étranger pour cette jeune femme. Comment veux-tu que je lutte contre un mari et un amant qui s'accordent si parfaitement pour la pousser à l'abîme? C'est impossible. Mon intervention d'ailleurs serait inconvenante, et puis enfin, je ne peux pas forcer sa porte. » « Si tu lui écrivais, » dit timidement Madame de Loris, « que diantre veux-tu que je lui écrive? Ce que tu croiras. » Monsieur de Quéverne songea un instant d'un air ennuyé, puis tirant à lui sa table de travail, il écrivit ce laconique billet. « Vous serez bien malheureuse demain. Quéverne. » « Fais porter cela, si tu veux, ma chère, » dit-il, « mais je te préviens que c'est absolument inutile. Si tu veux bien réfléchir que ceci va tomber sur une femme que la passion de la vengeance et la passion de l'amour possèdent en même temps, tu comprendras que c'est une goutte d'eau jetée sur un incendie. » « Je vais demander une réponse. »« Tu le peux, » dit M. de Quéverne avec sa calme ironie. Une heure après, comme ils achevaient de dîner, le domestique qui avait porté le billet fut introduit dans la salle à manger. Madame de Rias faisait dire que c'était bien qu'il n'y avait pas de réponse. M. de Quéverne emmena Madame de Loris sur la plage. Il sentit qu'elle tremblait et frissonnait sous son bras. « Tu as de la peine, pauvre Louise, » lui dit-il. « Oui. » « Beaucoup. Et puis la soirée est bien froide, je trouve. On dirait l'automne déjà. Eh bien, sais-tu ce qu'il faut faire? Il faut rentrer, allumer du feu et nous donner l'illusion d'une douce soirée d'hiver au coin d'un foyer paisible. C'est quelque chose quand on souffre d'avoir au moins autour de soi un cadre souriant. » Ils rentrèrent et furent bientôt installés tous deux dans le petit salon du cottage, auquel la flamme et le pétillement du foyer prêtait un air de gaieté et de bienveillance. Madame de Loris avait pris sa fidèle tapisserie, et son frère, assis en face d'elle, lui lisait un article de revue. Elle parut d'abord l'écouter avec attention, mais à mesure que la soirée s'avançait, elle devenait plus distraite. Ses yeux se portaient à tout instant sur l'aiguille de la pendule, et ses traits accusaient l'angoisse qui lui serrait le cœur. 11 heures venaient de sonner, quand M. de Quéverne vit des larmes s'échapper des yeux de la jeune femme et tomber goutte à goutte sur sa tapisserie. Il interrompit sa lecture et lui prenant les mains. « Voyons, ma chérie, lui dit-il, voyons. « Que veux-tu ? Murmura-t-elle. « Elle m'a dit de la pleurer, je la pleure. » Et elle sanglota. Tout à coup, elle dressa la tête et s'essuya vivement les yeux. Une voiture s'était arrêtée sur le quai devant l'entrée du cottage. Quelques secondes plus tard, on montait l'escalier. Elle se leva précipitamment et courut à la porte du salon qu'elle ouvrit. Elle entendit alors un bruit de soie froissée, et l'instant d'après, la tête fine et pâle de Madame de Rias lui apparut sortant de l'ombre. Elle eut un cri. « Marie, ah mon Dieu !» Puis elle la saisit et l'étouffa de baisers. S'arrachant tout émue et toute frémissante au bras de sa cousine, Madame de Rias lui dit avec une sorte de fièvre joyeuse. « Ah ça, ma chère, peux-tu me loger ? Te loger ? Mon Dieu, oui. Figure-toi que j'ai peur chez moi la nuit, en l'absence de ma mère et de mes enfants. Je me suis rappelé que ta belle-mère était retournée à Paris, et j'ai pensé que tu pourrais me céder son appartement pour deux nuits. Je crois bien, s'écria Madame de Loris. Elle sonna aussitôt sa femme de chambre. Pendant qu'elle lui donnait quelques instructions à voix basse, Madame de Rias s'avança vers Monsieur de Quévernes, qui s'était tenu discrètement à l'écart depuis son arrivée, et lui tendant la main. « Merci, » dit-elle. Monsieur de Quévernes s'inclina profondément sans répondre. Elle s'assit alors entre le frère et la sœur, développa méthodiquement un ouvrage de broderie, qui, suivant toute apparence, n'avait pas vu la lumière depuis plusieurs années, et s'accommodant dans son fauteuil. « Vous avez fait du feu, » dit-elle. « Quelle bonne idée, qu'on est bien ici. »